souvent de l'onde de forme. On a parlé souvent de la forme. On a parlé aussi de l'impression de l'âme, de l'ego, la faculté qu'il avait d'être impressionné, donc de conserver en mémoire une chose. À conserver en mémoire, il avait aussi la faculté de se laisser manipuler. L'atmosphère de notre planète, c'est le monde de la mort, c'est le ciel. Le ciel arrête dans les très, très hautes sphères de notre atmosphère, bien au-delà de la couche d'ozone. Chaque molécule est une mémoire. L'oxygène et le carbone sont des molécules qui mémorisent facilement les émissions astrales de l'homme. La majorité du monde de la mort est inclus dans les structures carboniques et oxygènes de notre atmosphère. L'hydrogène est un grand support aussi de cette mémoire astrale. L'azote est aussi un véhicule astral. Chaque molécule, chaque gaz, chaque métal maintient dans sa structure atomique des mémoires. Et chaque structure atomique émet une onde de forme particulière qui s'appelle énergie tellurique lorsqu'elle est placée dans un contexte planétaire et qui s'appelle énergie astrale lorsqu'elle est placée dans un contexte aérien. Lorsque l'homme a la faculté de prendre certaines formes, certains minéraux, certaines substances organiques, carbone, oxygène, hydrogène, azote, et de les associer selon des formes particulières, il arrive à engendrer des ondes de forme encore plus intéressantes. Il arrive à former des cristaux qui ont la faculté de condenser l'énergie ominale de l'homme et de permettre la guérison. Il arrive à fabriquer des cristaux qui arrivent à concentrer l'énergie yang du soleil et à fabriquer avec des armes d'une haute puissance destructrice. Il arrive en faisant rayonner la lumière à travers certains gaz et certains cristaux à fabriquer avec une lumière, avec un système électrique relativement faible, un faisceau laser. Il arrive aussi, en amalgamant certaines choses, certaines formes telluriques, à engendrer des formes, des minéraux, des pierres, qui ont la faculté de transformer la vibration des métaux qu'elle va toucher et arrive à en faire de l'or. Il a aussi la faculté de fabriquer des matières, des formes, qui peuvent contenir l'évolution vitale d'un corps physique en donnant à ce corps physique une mémoire inchangeable qu'on appelle aussi une éternelle jeunesse. À travers l'évolution de l'ego, il y a l'impatience, il y a la croyance, il y a la foi et il y a l'oubli, le sommeil. Le sommeil d'évolution, le sommeil éveillé. Un jour, un bonhomme a passé des années et des années à travailler et il a réussi à fabriquer une pierre qui lui permettait d'avoir son éternelle jeunesse et qui lui permettait aussi de changer les choses en or. Alors, il était jeune, mais après quelques centaines d'années, il a fini par oublier. Son ego s'étant habitué à sa jeunesse, il a oublié qu'il la devait à la pierre philosophale. Et par inadvertance, à un moment donné, il a perdu la pierre. Il l'a échappé quelque part en marchant. Et il ne s'en est pas rendu compte. Quand il a commencé à vieillir, donc 10, 20, 30 ans plus tard, il s'est rendu compte qu'il n'y a plus la pierre. Alors, il a commencé à la rechercher parce que ça ne tentait pas de recommencer à faire le même chemin parce qu'il avait l'impression de recommencer à zéro. Il avait l'impression de rétrograder. Et c'est une grande problématique de l'évolution de l'ego de l'homme. Recommencer pour lui est très pénible. Parce qu'il a l'impression de recommencer, alors qu'en réalité, il continue. L'expérience qu'il a va lui servir à sauver du temps, mais bien souvent, celui qui recommence est tellement impatient qu'il recommence tellement vite que finalement, il ne parvient pas à recommencer. Alors, au lieu de recommencer, il a pris une grande chaîne de fer. Il l'a attachée autour de son cou et il l'a laissée traîner à terre. Il a décidé de rétrograder un peu sa vie et de repasser en sens inverse par tous les endroits où il avait été. En laissant traîner la chaîne, il avait l'impression que peut-être un jour la chaîne toucherait la pierre, se changeant en or, il la reconnaîtrait. Alors il a commencé à repasser dans les villes où il avait été, dans les villages où il avait été, dans les pays où il avait marché. Il a refait les chemins à pied comme il les avait fait. Et il a fait ça pendant 30 ans. Jusqu'au jour où il est tombé né, année avec un enfant, l'enfant lui a dit, « Oh, monsieur, vous avez donc une belle chaîne en or. Où l'avez-vous prise? » Puis là, le bonhomme s'est rendu compte qu'il avait touché la roche quelque part, mais il s'était encore endormi pendant sa recherche. Il y avait une chaîne en or, il avait touché la pierre philosophale, mais il ne savait pas où, il ne savait pas quand. Donc, théoriquement, il devrait ôter sa chaîne, remettre une autre chaîne et recommencer encore son 30 ans de pèlerinage. Dans le but, et cette fois-ci en essayant de ne pas s'endormir, pour être là quand la chaîne va changer. Au lieu de cela, il s'est suicidé. Il s'est pendu que sa chaîne. L'être humain s'endort dans l'évolution. Et la majorité des êtres humains ne s'endorment pas après 10 ans de pèlerinage, 10 ans de recherche, 10 ans de changement, 10 ans de souffrance. Non, ils s'endorment quotidiennement. Ils s'endorment aux minutes. Ils font une relaxation. Et en 5 minutes de relaxation, ils ont peut-être dormi 2, 3, 4, 5 ou 20 fois. Ils sont conscients de leur corps, ils contrôlent leurs muscles et subitement, ils recommencent à contrôler leurs muscles. Et subitement, ils recommencent encore à contrôler leurs muscles. Ils s'endorment. Alors imaginez-vous la quantité de sommeil que nous prenons à travers une évolution normale. L'homme a un ego qui l'oblitère, qui l'endort. Et c'est pourquoi il devient extrêmement important de faire un choix et de prendre une décision occulte, une décision ésotérique, une décision d'intelligence, un choix d'intelligence. Et à travers cela, l'homme doit s'arranger pour ne pas s'endormir. Parce que parce qu'il s'endort, il recommence, il recommence, il recommence, il recommence. En réalité, il poursuit et continue sa quête, la quête d'un homme qui dort et qui recherche l'éveil. Mais chaque fois qu'il est éveillé, il en prend conscience. Et dans ce trip de la conscience, il s'endort. Et énormément de personnes ont un jour la possibilité de foncer. Ils ont une forme de pierre philosophale qu'ils perdent subitement. Parce que la distraction de la vie vient les oblitérer, les omnibuler, et ils perdent leur pierre. Quelque temps après, ils se rendent compte que, finalement, quand ils étaient plus jeunes, ou 2 ou 3 ans, ou quand il y avait la volonté de faire ceci ou cela, bien, ça marchait pas pire. Et là, ils ont peut-être la nostalgie, la culpabilité, ils veulent peut-être recommencer. Mais recommencer est un poids pesant pour l'ego qui donne l'impression que tu as raté ton coup. Alors, beaucoup de gens ne recommencent pas, décident de changer ailleurs en prétextant que ce qu'ils ont fait, peut-être que finalement, ça ne marchait pas tant que ça. C'est pas parce qu'ils se sont endormis, c'est parce que les techniques ou ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes ou plus ou avant ne marchaient pas. Alors, finalement, ils vont faire une quête. Une quête d'un monastère à un monastère, d'une école à une école, d'un bonhomme à une bonne femme, d'une religion à un dieu. Dans l'espoir de trouver quelque chose, qui les tiendra éveillés sans leur dire qu'ils doivent être maintenus éveillés parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils dorment. Alors l'humain recherche une évolution polie, une politesse évolutionnaire qui s'occupe d'eux sans leur dire qu'ils ont des problèmes, qui ne leur dit pas qu'ils ont besoin de se faire botter le cul, mais qui leur dit simplement « Ah oui, t'es capable. » Alors l'humain recherche un dieu, un maître, un gourou, une école, une tradition, un livre, une cassette, un quelque chose qui va les maintenir éveillés, ou encore qui va leur permettre d'évoluer même s'ils dorment. Alors que l'évolution, c'est de se diriger vers l'éveil. Et on ne va pas vers l'éveil en dormant. Quand on dort, on va vers le sommeil. De temps en temps, on s'éveille, Et parce qu'on s'éveille n'étant pas suffisamment vivant, mais étant plutôt mort, on s'endort. On regagne le monde de la mort et on manque des choses, on manque des bouts. C'est pourquoi la prise de décision, le choix d'intelligence doit être extrêmement privilégié, compris par l'homme. Parce que sinon, son évolution est une évolution saltatoire, une évolution temporaire, une évolution minime. Il y a de l'évolution. Cosmiquement, il y a de l'évolution. Même celui qui dort évolue cosmiquement. Mais la conscience dans celui qui dort n'a pas le même privilège que dans le corps de celui qui est réveillé. Et naturellement, ce que vous voulez, c'est une évolution éveillée, pas une évolution somnolente, ou carrément endormie. Le choix de l'intelligence ne peut être fait que par l'intelligence exprimée par l'homme. Pour cela, l'homme ne doit pas faire un choix simplement oral. Son intelligence ne doit pas s'arrêter exclusivement à sa bouche. Il doit être persévérant pour percer. Il doit être patient pour être capable de se supporter. Et il doit être prêt à recommencer. En réalité, à continuer. Mais pour l'ego, c'est un début. Il y a eu un moment donné où les cours que j'avais organisés, en l'occurrence, prenons un exemple, l'élongation tendinomusculaire, l'ETM, était une copie plus ou moins conforme au Hatha Yoga traditionnel avec certaines explications nouvelles. Et les gens qui l'ont pratiqué avaient le résultat. Faire travailler leurs articulations et tirer les tendons et les muscles. Après quelques années, je décide d'atterrir l'ETM tel qu'il devra être dans l'avenir. Et là, je mets au point une technique qui ne ressemble plus en rien au yoga traditionnel. Et il y a même des professeurs de yoga qui ont décidé de ne plus enseigner de yoga, mais d'enseigner exclusivement que l'ETM. Alors, j'ai une problématique, je travaille avec des facteurs humains. Ceux qui commencent le programme être contrôleur auront maintenant l'ETM tel qu'il devra être. Ceux qui ont commencé avant ne l'auront pas. Alors on a le choix, cacher aux yeux des anciens que les nouveaux pratiquent l'ETM et enseigner en PMC 6 ou 7 le même ETM leur disant que c'est un cours supérieur. On a le choix du mensonge. C'est karmiquement dangereux. On a aussi une autre possibilité, celle de continuer à enseigner l'ETM Hatha Yoga alors que nous avons une clé meilleure, mais continuer à l'enseigner en PMC 2, 3, 4, 5 et 6 pour ne la donner, la clé ETM, exclusivement à ceux qui auront fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais là, on devient des putains. Au nom des anciens insuffisamment évolués dans leur ego, pour ne pas les frustrer, on doit voler les nouveaux. Troisième solution, donner la clé ETM telle qu'elle est maintenant aux nouveaux et de demander à tous les anciens de refaire ETM. Alors, 40% des PMC abandonnent le PMC. Parce qu'ils ne veulent pas recommencer. Ce n'est pas tellement de refaire l'ETM, mais de le faire avec des petits nouveaux. Ça, c'est chiant. Alors, 40% de toute la structure PMC vole en éclats parce qu'on vient d'y injecter un peu d'intelligence. Les gens du PMC se sont endormis au cours de leur cours, à travers les années, à travers les mois, à travers les semaines. Et l'intelligence venant réveiller certaines choses, ça éclate. L'éclatement fait en sorte que l'intelligence vérifie si l'humain est prêt. Et l'humain n'est pas prêt. Pour que l'humain soit prêt, je devrais rencontrer chaque élève en tête à tête de 5 minutes à une journée, dépendant des têteux, des élèves, et leur expliquer l'intelligence de recommencer une chose, parce que la chose n'est pas un recommencement, c'est du neuf, qu'elle est améliorée, qu'elle sera plus efficace, qu'elle sera mieux. Mais ça, ça devient de la motivation. Et je n'ai pas à motiver. Je fais un essai. C'est le temps, c'est le temps. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Étant donné que 40% du public PMC a sauté dans le changement, alors on a aligné une chose qui devra exister ou qui existe présentement, mais qui devra exister dans une structure comme OFSA, celle des parties de cellularisation. Je n'explique pas les choses du centre, je vous explique comment vos égos fonctionnent. Guillemets, je parle de l'ego, je ne parle pas du centre, je donne des exemples que vous connaissez, pour que vous compreniez. Alors ne mélangeons pas les choses, je parle de l'ego. La cellularisation, entraînement plus ou moins intensif, de façon à faire en sorte que le corps et l'ego deviennent suffisamment perfectionnés dans des techniques qu'il a besoin, pour que ces techniques ne soient plus utiles à pratiquer, parce que cellulariser va être le résultat. 5 personnes se présentent à un cours de cellularisation. 4 se servent du cours pour faire de la consultation privée. La cellularisation vole en éclats. L'intelligence est encore trop massive. La majorité des humains ne sont pas prêts. À travers l'évolution, je reviens là-dessus, les gens s'endorment. Endormir veut dire, en l'occurrence, perdre conscience et aussi oublier pourquoi nous sommes là, pourquoi nous faisons cela. Nous commençons un projet d'évolution et après 6 mois, la majorité des gens ont déjà oublié pourquoi ils sont là. Nécessairement, il faudra le leur rappeler. Le leur rappeler équivaut à faire de la propagande, équivaut à motiver. Les gens savent pourquoi ils commencent. Ils abandonnent parce qu'ils ont oublié pourquoi ils ont commencé. Rare est l'homme qui abandonne en sachant pourquoi il abandonne. 80% des humains, lorsqu'ils abandonnent une chose, c'est parce qu'ils ne se rappellent plus pourquoi ils ont commencé. Énergisés à faire de la course à pied, ils courent. Après 2 semaines de course, ils s'endorment en courant. S'endormant en courant, ils ne savent plus pourquoi ils courent. Ne sachant plus pourquoi ils courent, ils cessent de courir. Il n'a pas de raison intelligente d'arrêter. Il a simplement oublié la raison intelligente qui l'avait fait commencer. Et l'humain, si on l'interroge, il va répondre, « Ben, j'ai une raison, je ne vois plus l'utilité, je ne vois plus l'intelligence de courir. » Ne pas voir l'intelligence de faire une chose après qu'on l'ait vu, l'intelligence, n'est pas un motif d'arrêt. Voir l'intelligence d'arrêter, ce n'est pas pareil comme ne pas voir l'intelligence de continuer. Un jour, vous faites une décision, vous faites un choix, vous prenez un virage, vous savez pourquoi. Un autre jour, ayant baissé en vibration, vous ne savez plus pourquoi. Et l'ego, émotif, considère que c'est une raison logique, correcte, de tout lâcher. Il ne sait pas pourquoi il lâche, mais vu qu'il ne sait pas pourquoi il continue, il lâche. Preuve que l'être humain est un lâche. Il n'a pas de raison de continuer, il n'a pas de raison d'arrêter. C'est neutre. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête. Donc, c'est pas neutre. Si vous êtes en train de courir et que vous n'avez aucune raison d'arrêter, aucune raison de continuer, vu que vous êtes déjà en train de courir sur l'élan, vous continuez. C'est logique. Vous êtes en train de courir, vous n'avez aucune raison de continuer, mais vous n'en avez aucune d'arrêter. Qu'est-ce que l'homme fait? Il arrête. Tout ce qui tend vers le repos prédispose l'homme à le suivre. Alors, l'être humain qui commence a une raison intelligente de commencer. À travers ce cheminement, il oublie pourquoi il a commencé. Oubliant, il ne sait pas pourquoi il continuerait, il ne sait pas pourquoi il arrêterait. Mais nécessairement, instantanément, il arrête. Et après avoir arrêté, à un autre moment donné, la stimulation revient. L'intelligence lui redonne la raison de continuer. Et là, il se dit, merde, continuer, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Recommencer. Merde. La meilleure chose, c'est de ne pas recommencer, mais de commencer quelque chose d'autre. Et à travers ce commencer quelque chose d'autre, on apprend, on remplit notre mémoire astrale d'un paquet de choses, on ne cellularise rien, on n'arrive pas à faire des mutations, et notre changement évolutionnaire est à peine perceptible. Je ne veux pas culpabiliser les égaux. S'ils se sentent culpabilisés, tant mieux. Il y a 4 ans, certains ont commencé une procédure. Il y a 3 ans, d'autres ont suivi. Il y a 2 ans, il y a 1 an. Et tout ce qu'ils ont appris en a changé quelques-uns magistralement. Les autres se sont endormis. Les 4 années que certains ont passées, c'est 4 années qu'ils ont passées. Alors, si je vous dis que dans les 5 prochaines années, on devrait travailler d'une façon logiquement intelligente, on trouve ça long. Mais quand on regarde les 4 années antérieures, c'est déjà passé. Et tant qu'à les avoir eues à passer, on aurait dû les passer comme on aurait dû les passer. Comme l'intelligence l'aurait prescrit. Et là, maintenant, si on regarde 5 années en avant, ça vient vite, 5 années. L'an 1993 est presque à nos portes. Ça vient vite. Et de toute façon, vous aurez à les passer. Devant votre téléviseur, assis dans un stationnement, en mangeant des cornets, en cellularisant, en évoluant, en travaillant, en dormant ou en étant éveillé. Certains vont dire, oui, mais je préfère dormir. Oui. Et les 4 dernières années où vous avez dormi, mais ça ne vous rapporte rien aujourd'hui. Rien de plus. Celui qui va boire, il voit la boisson dans l'avenir. Alors il se dit, j'ai 50 piastres, je bois 50 piastres. Et au fur et à mesure qu'il boit, ce qu'il a bu ne lui rapporte plus rien. Et lorsqu'il a fini de boire, il peut dire, ah, mais j'ai quand même aimé ça. Eh oui. Maintenant, moi qui n'ai pas bu, j'ai encore 50 piastres. Toi qui as bu, tu n'as plus 50 piastres. Pendant que tu buvais, tu t'amusais. Moi, j'attendais. Maintenant que tu as bu, j'ai 50 piastres et tu n'en as plus. Et ton plaisir est parti aussi. Alors maintenant, tous les deux, nous n'avons aucun plaisir, mais moi, j'ai 50 piastres. L'évolution, on a des années à passer sur le plan planétaire. On a des épreuves à vivre, des épreuves à traverser. Des épreuves qui sont exactement comme un four massif. Des épreuves qui sont comme un marteau. Qui brise le cristal mais qui forge l'acier. Les êtres humains qui évoluent sont des héros, et il n'y en a pas beaucoup. Des êtres humains qui évoluent éveillés sont des héros. Des êtres humains d'une trempe différente. Il n'y en a jamais eu beaucoup en même temps sur la planète. Il y a eu des êtres poursuivre. Il y a eu des êtres brebis. Il y a eu des êtres révoltés. Mais les êtres qui ont évolué consciemment, qui ont tout implanté dans leur évolution, des héros, il n'y en a pas eu beaucoup. L'onde de forme, c'est quelque chose que l'on doit travailler. Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Les choses changent en fonction de la rapidité vibratoire des ondes de forme que l'on veut supporter. Les choses changent selon leur propre chronométrie temporelle. Ça ne peut pas changer plus vite que ça change. Mais plus vite on commence, plus vite le changement arrive. Plus on attend, plus c'est long. Il sera revêtu d'or et couvert de diamants, le premier et les premiers qui s'éveillent. Ceux qui dorment vont dire, qu'est-ce que j'ai à faire d'or et de diamants? C'est un symbole. Le diamant, c'est le cristal. C'est le carbone noirci qui devient translucide et presque indestructible. L'or, c'est le plomb qui se ternit et qui est à peu près inutile. Lorsque le plomb devient doré, il ne se ternit pas. Et énergétiquement, il absorbe. Pendant l'Antiquité, était couvert d'argent celui qui s'éveillait. Des chemins existent pour celui qui y marche éveillé. Des chemins astraux qui mènent vers l'intelligence. Ceux qui ont bâti ces chemins n'ont pas eu accès à l'intelligence. S'ils n'avaient comme formation, Melchizedek de bâtir un chemin légué à travers les temps et la matière, pour qu'à un moment donné, un être éveillé puisse parcourir le chemin et aller chercher ce qui a été placé là pour lui. Il existe sur la planète des endroits. Il existe sur la planète des trésors. Il existe sur la planète suffisamment de condensation d'énergie pour qu'un être humain puisse acheter tout ce qui existe sur la planète une bonne dizaine de fois. Celui qui part à la recherche ne trouve rien. Celui dont la recherche est menée par l'ego ne peut pas aboutir. Celui qui devient celui qui doit être arrive. Onde de forme à travailler. L'onde de forme apparaît dans le langage à travailler. L'onde de forme apparaît dans la tenue à travailler. L'onde de forme apparaît dans le vêtement à travailler. L'onde de forme apparaît dans l'âme à travailler. L'être humain lentement s'éveille. À travers son éveil, il dort. À travers ce sommeil, il s'éveille. L'homme doit faire un choix d'intelligence et il doit faire un pacte. Un pacte hautement dangereux pour son ego. Un pacte réel où il s'engage. Un pacte où il s'engage à être éveillé dans les deux sens du terme être. Un pacte où il s'engage à se maintenir éveillé et un pacte où il s'engage avec un autre à ce que l'autre le maintienne éveillé. Un pacte qui accepte la discipline, l'auto et l'hétéro. Un pacte où celui qui dort, s'éveillant, accepte de faire partie d'une race neuve, une race d'êtres humains éveillés. Et là s'arrête les paramètres de la race. Les paramètres de la race ne peuvent pas inclure une langue, une couleur de peau, une alliance avec une école, un territoire géographique ou une planète. Ceux qui sont éveillés et qui ne s'endorment pas dans leur éveil, dans leur évolution, font partie de cette race. Et ça, c'est le choix d'intelligence. À travers ce choix d'intelligence, lorsque un ou plus d'humains l'ont fait, les vieilles traditions lentement, le manche d'Excalibur commence à sortir de l'eau. Lentement, la croix des Templiers commence à tourner. Lentement, la Svastika commence à rayonner. Je ne parle pas de la croix gammée, qui est l'inverse. Lentement, les portes de l'Arche d'Alliance s'ouvrent. Et lentement, ceux pour qui ces choses ont été construites marchent, se dirigent vers ces objets, les empoignent à pleine main et fusionnent le passé avec l'avenir dans un présent. Je ne dirais pas terminal, mais dans un présent mutatoire. La lance du destin. Est le symbole même de tout ce qui a été légué par les traditions égyptiennes, esséniennes, nazaréennes, chrétiennes. Conçu en Atlantide, elle a transpercé le corps du Christ. Et elle a permis à celui qui l'a possédé de diriger le monde. Sauf que tous ceux qui l'ont possédé, un jour, se sont endormis et l'ont échappé. Et ils ont perdu. Excalibur, formé en Lémurie, permet à celui qui la possède un éternel éveil. Le problème, c'est que celui qui est éveillé grâce à Excalibur et qui a de l'ego verra un jour sa tête tranchée par l'épée même. Le Graal est la planète Terre. C'est la coupe dans laquelle s'abreuvent tous les humains, abreuvant du sang, sang qui s'est échappé de la plaie faite par la lance du destin. Et l'humain qui boit au Graal boit à même la souffrance. Il y a sur cette planète des chemins que seul un être éveillé peut comprendre, que seul un être qui a fait une allégeance à l'intelligence peut suivre. Il y a des voies de formation. Il y a des chemins dans l'éther, il y a des chemins dans l'astral, il y a des chemins dans la matière. Les chemins de l'éther sont des chemins initiatiques, des chemins de formation par l'entraînement, des chemins de formation de l'élite par l'entraînement, des chemins de formation, diraient les anciens, de chevaliers. Où un esprit guerrier doit habiter l'homme, un esprit d'intelligence à la place du cœur de l'ego. Il y a des chemins dans le monde astral, des chemins qui permettent à l'être humain de manipuler la matière financière et de contrôler tout ce qui peut être systématiquement orchestré par l'argent. Il y a des chemins matériels qu'un être humain doit suivre. Ces chemins matériels sont habituellement toujours semés d'embûches mortel. Celui qui entre, entre. Celui qui s'endort, reste. Celui qui entre et qui reste éveillé, sort. Il y a des étapes. Se promener quelque part sur la planète Terre et découvrir l'un des trésors majestueux qui attend l'éveillé ça ne se fait qu'après. Seul le millionnaire découvrira les milliards. Le pauvre. Excalibur est retiré de l'enclume par Arthur. Un pauvre, un serviteur. Excalibur s'adresse à celui qui n'a pas d'ego. Voilà pourquoi elle est retirée. La lance de Longinus, jusqu'à date, s'est adressée à celui qui avait de l'ego. Elle permet au possesseur d'accomplir ce qui s'exprime par lui. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. La première chose qu'un être humain doit faire, c'est de faire le choix d'intelligence, de décider de vivre et de faire partie de la race, de ceux qui ne dorment pas. Leur conscience doit être toujours éveillée. Pour cela, première chose, allégeance à l'intelligence. Accepter de faire et de faire le maximum de nos faiblesses pour faire ce que l'intelligence nous demande de faire. Je dois faire attention à ma santé, alors je dois m'arranger pour que toutes les forces astrales réunies ne puissent pas me faire faire des choses que la sainte intelligence m'interdit. Cristalliser dans la matière, cristalliser dans l'astral, cristalliser dans le vital, cristalliser dans le mental et sceller dans l'intelligence supramentale. Est-ce que l'homme est actuellement sur cette planète suffisamment nombreux en tant qu'éveillé? Ou en tant que potentiel d'éveil, pour s'associer. Dans le but de vivre l'intelligence. La problématique de tous ceux qui évoluent est justement ce choix. Il n'est pas. L'homme n'a pas encore pris sa décision. Tous les individus ici présents n'ont pas pris leur décision. Et au Québec, une poignée très limitée ont pris leur décision. Cette poignée très limitée, entourée par des gens qui n'ont pas pris leur décision, se voit limitée. Quand je dis prendre une décision, cela veut dire que l'être humain vit 24 heures sur 24 dans cette nouvelle race. 24 heures sur 24, il est maintenant un homme nouveau. Et un homme nouveau, pour instruire son ego, s'arrange pour déterminer des paramètres effectifs de l'homme nouveau. Il jouera à l'homme nouveau jusqu'à temps que son ego soit tellement imbibé du personnage qu'il permette à l'homme nouveau réel de s'installer dans le corps physique et de l'habiter. Faites comme si cela était et cela sera. Mais faites-le bien ou ne le faites pas. L'homme nouveau n'est pas orgueilleux. Il ne peut donc pas y avoir de personnes qui jouent à l'homme nouveau et qui en sont fiers. Parce que là, ils ne jouent pas à l'homme nouveau. Ils jouent à l'homme ancien qui joue à l'homme nouveau. Prochainement, des décisions devront être prises. Et ces décisions seront des décisions irréversibles. Des strates de l'avenir commencent déjà à nous tomber dans le visage. Des strates de l'avenir sont aujourd'hui présentes. Des décisions, des choix d'intelligence devront être faits par des êtres humains. Et celui qui attend verra remettre sa décision. De temps en temps, l'humain est confiné à côté un mur. De temps en temps, l'humain devient fiévreux. Dans l'évolution, il n'y a rien à faire. Lorsque l'être humain se dit « Ah oui, mais là, nous embarrasse en maudit », c'est ça. L'évolution n'est pas rien qu'une question de calme plat. L'évolution se fait aussi par embarras, par remue-ménage, par bottage de fesses. La problématique de nos sociétés, c'est que vous devez mettre de l'argent pour faire une évolution. Et en même temps, il y a une loi de la protection du consommateur, c'est bien le cas de le dire, du con qui consomme, qui fait en sorte que bien des structures évolutives ne peuvent pas être applicables. Alors, l'intelligence essaie de s'arranger pour former des êtres humains et fomente des sectes. Des sectes où celui qui rentre dedans donne tout. Habituellement, l'humain qui commence une secte est intelligent, c'est-à-dire qu'il est manipulé par de l'intelligence, même s'il dort. Lentement, la puissance qui l'habite devient du pouvoir. Parce qu'il voit que ça marche. Et devenant du pouvoir, tout se pourrit, tout se tarit. C'est la seule façon que l'intelligence peut procéder pour l'instant pour arriver à retirer des gens des religions traditionnalisme bloquantes, pour obliger des êtres humains à en sortir, à entrer dans une secte où on le botte le cul, et finalement, après des poursuites ou après des dissolutions de secte, ils se ramassent sur le trottoir, libres, plus libres que jamais. D'autres solutions doivent apparaître. Des lois internes, des sociétés secrètes, des sociétés dans les sociétés, avec leurs propres lois, leurs propres régies. Et ça existe. Des propres sociétés qui ont leurs propres lois, ça existe, à l'intérieur même des sociétés. Ce ne sont pas des sociétés exotériques, ce sont des sociétés ésotériques. Mais normalement, elles sont fabriquées, fomentées, orchestré par des gens qui ont une forme de manipulation intelligente. Mais ceux qui en font partie dorment. Lorsqu'un individu veut quitter cette société ésotérique, il ne peut pas. Lorsqu'il décide de quitter quand même, on le tue. Il ne quitte pas. La seule porte, c'est le monde de la mort. La mafia est une société ésotérique. Et il y en a d'autres dont je ne nommerai pas les noms. Ces personnes ont fait une alliance et ils ont promis allégeance à leurs supérieurs. La problématique, l'astral domine. Les gens peuvent dormir. Lorsque nous parlons de race neuve, nous parlons d'un peuple. Un peuple, ça commence petit et ça grossit. Le peuple du Québec, le peuple du KEBEK est un petit peuple d'une vingtaine d'individus qui auront des enfants et qui verront aussi, à travers la mutation des autres peuples, des êtres humains naître à cette race neuve, à cette race de l'homme nouveau. Ce peuple doit s'arranger pour travailler comme les autres peuples ont toujours travaillé. Il doit s'unir et se tenir. Il est un peuple individuel dans la conscience. Chaque individu est individu. Mais comme tous les peuples mineurs, ils se font assimiler ou bien ils se tiennent et assimilent. Le pilonnage du monde de la mort est l'un des moyens les plus puissants de ce peuple. Ce n'est pas un peuple d'élus, il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas un peuple de béatifiés. Ce ne sont pas des béatitudes. Et ce peuple, encore une fois, n'est limité par aucune couleur de peau, aucune langue, aucune tradition ésotérique. Rien. Tout ce qui discerne ce peuple, c'est l'intelligence, l'éveil. C'est un peuple de gens éveillés. Le peuple de gens éveillés est immédiatement insoumis aux lois des autres peuples. Il ne peut pas être soumis aux lois traditionnelles. Il doit se considérer comme étant un prisonnier de guerre. Lorsqu'une loi d'un autre peuple l'oblige à faire une chose que les lois de son peuple ne l'obligent pas. La loi de son peuple est régie par l'intelligence. Elle est inscrite sur les feuilles des arbres et elle tombe à chaque automne. Pour être réécrite au printemps, de cette façon, la loi évolue au rythme de l'humain, saison après saison. Lorsqu'une loi d'un autre peuple vient obliger cet individu, il doit se considérer comme prisonnier de guerre. Certaines lois du peuple sont correspondantes aux lois des autres nations. Ne pas tuer inutilement. Ne pas voler. Mais il y a des lois dans ce peuple qui sont beaucoup plus puissantes que les lois des nations traditionnelles. Et il y a des lois dans ce peuple sont tout à fait contre les lois des nations traditionnelles. Dans les nations de cette planète, justice et loi ne vont pas ensemble. Elles se retouchent et s'éloignent souvent. Dans ce peuple, justice, loi sont chapeautées par l'intelligence. C'est la même chose. Cela veut dire que ce peuple qui se tient, qui travaille ensemble dans le but de préserver son intégralité, a le droit d'avoir des visions du monde qui n'appartiennent pas aux autres nations. Ce peuple a le droit d'avoir des systèmes d'éducation qui n'appartiennent pas aux autres nations. Ce peuple, en tant que peuple totalement différent, a le droit à des égards. Mais exactement comme un peuple qui ne sait pas parler une langue, qui a une langue bâtarde, le franglais, entre autres, au Québec, exactement comme un peuple qui n'est pas capable de vivre ses paramètres, alors il n'a pas le droit au respect des autres nations. Un peuple qui prétend à une souveraineté association et qui n'est même pas capable de vivre ses propres déterminismes, ses propres paramètres, n'aura pas le respect des autres. Quand un peuple québécois demande au gouvernement canadien une souveraineté association et qui lui dit « Hey, écoute bien les choses, c'est cool, pas mal, mais là on veut être libre. » Non. Un peuple qui ne se respecte pas selon ses propres critères ne peut pas demander le respect d'autrui. On a une langue française, puis on la parle à moitié anglais. Si le peuple de ceux qui s'éveillent se lève, ils ne peuvent pas être bâtards. Ils ne peuvent pas être mélangés. Ils ne peuvent pas voir de juste milieu entre ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas de compromis entre ce qui est que ce qui ne l'est pas. C'est ou ce n'est pas. Là s'arrête le compromis. Lorsqu'un peuple neuf naît, sa langue est claire. Il n'a pas honte d'être ce qu'il est. Ses ondes de forme sont caractéristiques. Ondes de forme orale, ondes de forme corporelle, ondes de forme vestimentaire, ondes de forme gestuelle et ondes de forme de l'âme, visibles par les yeux. On reconnaît un Québécois à travers l'Amérique. On reconnaît le Canadien à travers l'Angleterre. On reconnaît l'Africain à travers le peuple haïtien. Si on ne reconnaît pas ce peuple, c'est que ce peuple n'est pas un peuple. Pouvons-nous reconnaître celui qui s'éveille? Pouvons-nous réellement reconnaître celui qui a une conscience supramentale exclusivement par le fait qu'il est là dans une foule? Il fut un temps où l'homme devait se cacher. Il fut un temps où l'homme devait se terrer. Lorsque la lumière commence à être un petit peu trop puissante, de dessous le lit, elle est visible. De dedans l'armoire, elle est visible. Alors de la lumière sous un lit, on en déduit que la lumière se cache. N'est caché que celui qui est découvert. Lorsque la lumière commence à rayonner un peu plus puissamment, c'est préférable qu'on la sorte de l'armoire, qu'on la sorte de sous le lit, qu'on la mette sur la table. Alors personne ne dira qu'elle est cachée. Et lorsque la lumière commence à traverser les fissures de l'armoire, c'est qu'elle est suffisamment puissante, maintenant, pour ne pas être détruite. La première condition de naissance d'un peuple, c'est la reconnaissance des individus du même peuple. La reconnaissance des individus d'un même peuple, dans le peuple de l'intelligence, le peuple de l'homme nouveau, ne se fait que par la reconnaissance de l'éveil. La reconnaissance du but, de l'objectif, non pas du micro-objectif, de l'objectif final. L'intelligence, la descente de la conscience supramentale sur la planète, la prolifération des connaissances supramentales à l'échelle de la planète, le pilonnage du monde de la mort. Tous les êtres humains qui feront un jour le choix et qui suivent Bernard de Montréal font partie du même peuple. Tous les êtres humains qui feront un jour le choix qui suivent Pierre Bichon feront aussi partie du même peuple. Tous les êtres humains qui ont fait ou qui feront le choix et qui ont suivi Krishnamurti font partie du même peuple. Ce peuple va naître d'une façon disséminée à travers l'Amérique. Et les êtres humains qui en font partie doivent avoir la faculté de reconnaître celui qui est éveillé. Mais la seule façon d'être reconnu, c'est de cesser de se cacher ou de dormir. Une chose ne doit être faite que si deux conditions préalables sont atteintes. Est-ce le temps qu'elle soit faite? Est-ce intelligent de le faire? C'est tout ce qui doit déterminer les choix de l'homme nouveau. Jamais il ne doit poser la question, est-ce que ça va marcher? Jamais. De l'homme ancien, de l'animal humain, qui pose en premier la question, penses-tu que ça va marcher? À cette réponse, aucun humain ne peut répondre. peuvent dire qu'ils parlent. Ils ne peuvent pas dire que ça mange. Si une chose semble intelligente, elle est juste. Faites-la. Si une chose est intelligente, elle est juste. Faites-la. Ne pas polluer, c'est ne pas polluer. Un peuple d'intelligents ne pollue pas, pollue au minimum. Certains vont dire, oui, mais il faut investir de l'argent. Est-ce qu'il faut le faire? Si c'est intelligent de ne pas polluer, investissons, faisons-le. Le peuple est géré. Il s'arrange pour économiser au maximum tout en faisant ce qui se doit d'être fait. La naissance d'un peuple engendre dans le monde de la mort la naissance d'un égrégore. La naissance d'un égrégore oblige immédiatement l'appel de forme. Les formes sont des cristallisations matérielles, vitales et astrales, des ondes de forme d'un peuple. On parlera d'armoirie, on parlera d'ethnie, on parlera de langage, on parlera de différentes choses. Mais un peuple se forme lentement. Un peuple ne peut pas s'éveiller du jour au lendemain. Et ça se forme lentement dans une direction précise qui caractérise le peuple de d'autres. Le peuple est ésotérique, caché, occulte. Ça n'a aucune importance. Mais il doit avoir suffisamment de connotations extérieures pour être reconnu d'un autre membre du même. Parce que sinon, l'évolution de la conscience supramentale continue à être une évolution lente. Trop lente. Imbécilement lent. Une évolution où le martyr est toujours séparé. Une évolution où on essaie de préserver son énergie à travers des paramètres comme des paramètres d'une école. Moi, je fais partie de ceci. Moi, je suis dans ceci. Et pour préserver cette énergie, on ferme des portes à d'autres personnes du même peuple, de la même race. Nécessairement, un individu que vous rencontrerez ne parlera pas comme vous. Ce n'est pas parce qu'il suit quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il est lui. Il n'est pas vous. Certains vont dire, ah oui, mais il répète des mots qu'un tel a dit. C'est normal. Il est en train d'affiner, d'affûter son langage. Alors, il est économe en énergie. Lorsqu'une personne a dit une chose parfaitement bien dite, alors il répète les mots, mais c'est lui qui les dit. Il ne cite pas. Alors cessez de penser qu'il est assujetti, qu'il est endormi. Il dit les choses. Il les dit, s'il les dit. Il les répète, s'il ne cite pas. Ce n'est pas à vous de déterminer. Il y a des gens qui me suivent, avec qui vous allez vouloir jaser, et vous pourrez comprendre qu'ils sont aussi perdus que d'autres que vous allez rencontrer, qui suivent d'autres personnes. Ce n'est pas un critère de dire, ah oui, mais c'est parce qu'il vient pas voir Daniel Kemp qu'il est ceci ou là, oui, qu'il est cela. Ce n'est pas le critère. Le critère, c'est l'éveil. Une grande partie de l'éveil se fait seule, de façon à ne pas être colorée par autrui. Mais on doit absolument ouvrir ses paramètres mentaux de façon à reconnaître le peuple, les gens de la même race, les gens du même peuple. Parce qu'on se confine à une évolution trop lente, pénible, idiote. On fait une pause, vous avez des questions sur n'importe quel sujet, on les amène. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là?